les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Même si le plus beau de tous est sans doute le cirque de Chaplin, nous avons tous en tête des films qui tournaient autour de la piste. Le plus grand cirque du monde avec John Wayne, Sous le plus grand chapiteau du monde avec Charlton Heston, Lola Montes, Dofuls ou Les ailes du désir de Wim Wenders. Dans l'histoire du cinéma, depuis sa naissance, on ne compte pas les films qui ont représenté le cirque, qui en ont fait leur décor, qui lui ont emprunté ses clowns, ses écuyères, ses acrobates et ses trapézistes. Très nombreux sont les réalisateurs, actrices et acteurs qui ont témoigné de leur amour pour le cirque quand ils n'en étaient pas eux-mêmes des héritiers directs. Que l'on songe parmi beaucoup d'autres à Federico Fellini, Jacques Tati, Burt Lancaster, Pierre Etex et à Charlie Chaplin, évidemment. En 1985, c'était à cette relation qu'a, depuis son origine, entretenu le monde du cinéma avec celui du cirque et réciproquement, que s'intéressait Simone Dweck dans Les Mardis du cinéma sur France Culture. Une émission dans laquelle elle rencontrait notamment Pierre Etex et Annie Fratellini. Mardi du cinéma. Le cinéma et le cirque. Une émission proposée par Simone Dweck, réalisée par Maurice Audran. Avec Annie Fratellini, Paul Adrian, Pierre Etex, Pierre-Robert Lévy, Nicolas Bataille, Geneviève de Kermabon. Et les voix de Françoise Roset et François Perrier. Le monde entier sur la toile tendue de l'écran du cinéma. Le monde entier contenu dans une piste de 13 mètres de diamètre, le cirque. Tentation des cinéastes. Plus de 150 longs-métrages nous ont transportés au cirque, ont égrené la folie du monde, ont jalonné toute l'histoire du cinéma. Les deux arts réunis ont passionné cinéastes, circophiles, critiques. Paul Adrian est de ceux-là. Il a consigné dans un livre toute la passion de sa vie pour le cirque et pour le cinéma. Tous les films concernant le cirque m'intéressaient particulièrement, ce qui m'a poussé à rechercher tous les rapports et à me passionner un peu pour l'interpénétration des deux arts. Car le cinéma doit au cirque énormément, étant donné que le cinéma est en mouvement. Lorsque l'on a cherché à donner la vie, le mouvement, on a pris des gens de cirque qui étaient mouvement par excellence. C'est ce qui m'a poussé peu à peu à prendre beaucoup de notes, à faire pas mal d'articles, et ensuite à en faire un livre, Cirque au cinéma, cinéma au cirque. Lorsqu'on a cherché le mouvement, on a cherché pour les débuts, même l'avant-cinéma en quelque sorte. On a pris un clown et son chien qui sautaient, on a pris des écuyers. Tout ce qui pouvait être mouvement se trouvait au cirque par excellence, plus qu'au théâtre. On pourrait parfois reconstruire l'histoire du cinéma à travers le cirque, l'histoire ou bien l'apparition de certains genres cinématographiques. Le cinéma à péplum a des rapports avec le cirque parce qu'il y a toujours dans ces films les scènes avec des fauves et pour justement animer ces scènes, on faisait appel à des dompteurs, à des gens de cirque. Ensuite, il y a eu les courses de chars. Bon, les courses de chars étaient des exercices équestres, donc ça rapprochait le cirque d'autrefois au cirque d'aujourd'hui. Et ça, c'était dans les débuts de l'histoire du cirque, mais peut-être pas dans les débuts de l'histoire du cinéma. Au fond, le film à péplum, c'est plutôt les années 50. Non. Il y a eu tout à fait au temps du Muet. Au temps du Muet, il y a eu des films à péplum, le cinéma italien. Les grandes premières superproductions, si on peut dire, sont des films à péplum. Nous les avons retrouvés dans les années 50, mais regardez Ben-Hur, bon, c'est très ancien, il y avait eu même d'autres versions de Ben-Hur avant le Ben-Hur avec Ramon Novarro. Alors, il y avait aussi un rapport assez étonnant avec le cinéma d'animation. Quand on pense à Émile Reynaud, qui faisait ses premiers dessins animés et qui a été en quelque sorte l'inventeur du cinéma, là aussi, je crois qu'on retrouve le cirque. Parce qu'il a pris également des personnages de cirque dans ses dessins. Il y a eu ce... Je parlais du clown et son chien. Avant de faire des vraies entrées de clown, il a choisi un personnage de clown. Et donc, le clown et son chien est un film d'animation où on voyait justement, et c'est un des premiers films avec trucage, parce qu'en tournant simplement, trucage très simple, pour tourner la caméra à l'envers, et alors le chien sautant dans un cerceau semblait repartir de l'autre côté, parce que c'était juste un embryon du trucage. Mais c'était donc les premiers dessins animés ont eu souvent des personnages clownesques comme animateurs. Et toujours en rapport, au fond, avec ce mouvement, c'est ça? Toujours, le mouvement, forcément, puisque c'est le mouvement, c'est le cinéma. Ce sont les forains qui ont popularisé le cinéma. Tout d'abord, on n'y croyait pas tellement, on pensait que ce serait juste une chose passagère, scientifique, uniquement. Et les premiers films qui ont été faits, des films de Méliès, qui alors lui est tout à fait un précurseur, et qui a des rapports, si l'on veut, non pas exactement avec le cirque, mais avec le spectacle, étant donné qu'il était illusionniste, donc avec le spectacle de variété. Parce que alors souvent on dit le cinéma et le cirque, mais cela déborde sur le cinéma, sur les variétés, sur le musical, qui était autrefois le musical, un spectacle de variété où il y avait pas mal d'attractions de cirque. Et Méliès avait donc trouvé ce moyen, le cinéma, pour compléter, en quelque sorte, ses illusions. D'autre part, les forains ont toujours été intéressés par les choses scientifiques pour les populariser. Ils ont popularisé les rayons X, il y avait beaucoup en marge des baraques, il y avait toujours quelque chose d'un peu scientifique. Et dans les fêtes foraines, on s'est servi tout d'abord du cinéma pour faire un peu la parade. C'était pas tellement considéré dans beaucoup de baraques. Il y avait un écran tendu à la porte et ça servait à faire entrer les gens pour voir les gens en chair et en os. Et peu à peu, il s'est passé tout à fait un chassé-croisé. Et les forains apportaient beaucoup au cinéma, mais le cinéma, c'était mettre souvent le loup dans la bergerie, surtout quand on a mis un écran dans les ménageries. Il y a de très jolis témoignages, justement, de témoignages en images dans votre livre, qui sont des reproductions de cartes postales, où on voit par exemple une ménagerie cinéma. Oui, c'était Laurent. Mais les plus grands forains, dompteurs forains, comme Laurent, comme Poson, comme Rodenbach, ont peu à peu justement ajouté le cinéma, parce que le cinéma était à la mode, à leurs exercices. Et certains, comme les Spessardis, sont même servis par la suite, ont filmé leurs propres numéros. Et ensuite, lorsqu'ils n'ont pas continué à être dompteurs ou autre chose, vu l'âge, ils ont projeté dans leur établissement leur numéro. Le donjon du cirque, la dernière grimace, la dernière attraction, la dompteuse de tigres, quatre diables, la flamme d'amour, les rois du trapèze, des kyrielles de titres dans ces années 20, des scénarios plus que romanesques, certains films qui font date cependant comme Variété, tourné en 1925 par Ewald André Dupont, qui se révèle un grand directeur d'acteurs et qui fixe sur pellicule les souvenirs inoubliables de certains numéros authentiques. Nous avons eu des films qui se déroulaient au cirque. Ils prenaient des sujets, des artistes de cirque, mais souvent d'une façon romanesque et parfois même excessive. En fait, il fallait trouver absolument une histoire. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc il fallait qu'il y ait un drame. Or, il n'y a pas toujours de drame, heureusement, dans les cirques. Mais ce qui pouvait être spectaculaire était les drames. Alors, il est venu pas mal de films, surtout des pays scandinaves, où le cirque a eu en quelque sorte servi de toile de fond, et, mais d'une façon un peu feuilletonesque. Quelqu'un qui sciait le trapèze, le couple n'était pas heureux pour une raison ou pour une autre, le dompteur était méchant, il y avait toujours quelques traîtres. Côté cirque, alors le cirque servait de décor. On ne peut pas dire que ça reflétait le cirque. Mais pour le cirque-film, moi, ce qui m'a toujours plu dans ce sort de film, c'est que ça l'illustrait malgré tout. Alors, il y a toujours un peu quelque chose entre le cirque-film et le cinéphile, parce qu'il y a des films qui ne valent pas grand-chose, mais que le cirque-film aime parce qu'il y voit une caravane, une roulotte, un cirque, un clown. Et puis l'intérêt pour le cirque-film, pour celui qui s'intéresse au cinéma, ne vient pas exactement de l'histoire, ni même des héros de l'histoire, mais vient du fait qu'étant tourné dans un grand musical, où l'on y voit d'autres artistes, et là c'est un document, c'est un témoignage. Et en plus, lorsqu'il y avait des films, en l'occurrence Variété, c'est un film concernant des trapézistes, le numéro de trapéziste a été doublé par l'un des plus grands trapézistes, un des groupes, le plus grand trapéziste, les Codona. Alors, les Codona, et on voit aussi Rastelli. Alors, vraiment, des documents en plus. Et c'est pourquoi, souvent, les films de cirque n'ont pas été, si vous voulez, tous satisfaisants. Il y en a eu peu de satisfaisants. Mais on a toujours trouvé quelque chose qui servait l'image du cirque. ...1932, une production de la MGM, Freaks, la monstrueuse parade. Rappelez-vous, les Lilliputiens, l'homme tronc, les sœurs siamoises, la femme oiseau, les nains, le monde cruel et émouvant créé par Todd Browning. Un film si vrai que l'on demanda au réalisateur d'en remanier la fin. Et c'est ainsi qu'il ressortit en 1962. Paul Adrian. C'est un ouvrage assez particulier parce qu'il traite des phénomènes. Enfin, ceux que l'on appelle les phénomènes, qu'on appellera plutôt les êtres différents simplement. Il a été tourné avec des vrais êtres différents. Des gens de la galerie des merveilles de la nature, comme l'on avait dit de chez Barnum. Tourné par Todd Browning, qui était lui-même, alors il y a aussi un chassé-croisé, qui était lui-même un bonimenteur et de foire, autrefois, qui présentait justement ces baraques. Alors donc, il les connaissait très bien, et à travers le cinéma, ce qu'il a cherché à faire, c'est un peu représenter ce que l'on appelait ces phénomènes, et à montrer que ce n'étaient pas eux les monstres, bien souvent, donc il y a aussi une partie romanesque, mais dans ce film, les monstres sont les gens normaux. Geneviève de Kermabon est trapéziste. Elle a été si fascinée par le monde de Freaks qu'elle en prépare une adaptation théâtrale en essayant, elle aussi, de rassembler sur scène des phénomènes. Son regard sur le film Freaks. La première fois que je l'ai vu, ça m'a vraiment fortement impressionnée, quoi. C'est comme tout le monde. On peut pas rester insensible quand on voit des gens comme ça, quoi, et qui sont si extraordinaires que ça. Et en plus, les images sont très belles. Enfin, y a rien à dire sur ce film. Mais on les voit vivre. D'ailleurs, on voit pas tellement leur numéro ou ce qu'ils font. On les voit pas sur une baraque foraine. On les voit vivre comme ils sont dans la vie, avec leur vie, leur peine, leur joie. Ils se marient entre eux ou avec des gens tout à fait normaux parce que c'est ce qui se passe d'habitude. On voit le cirque aussi. Les Lilliputiens, par exemple, sont tout à fait intégrés à la vie de cirque, vu que Hans, c'est le nain, enfin le Lilliputien, c'est un illusionniste, donc il fait un numéro tout à fait passionnant, quoi, d'illusion. Frida, sa fiancée, qui est Lilliputienne aussi, fait un numéro d'écuyère à cheval. Bon, l'homme tronc qu'on voit, qu'on appelle le torse vivant, qui était le prince radiant, donc qui est vraiment, qui a vraiment ni bras ni jambes, on ne le voit pas dans son numéro à la scène. Par contre, on le voit, enfin, qui allume sa cigarette avec sa bouche. Mais c'est pas une démonstration sans en être une, quoi. Ça fait partie de la vie courante et c'est pas du tout. Oh, regarde. Enfin, c'est Mais le scénario du film en lui-même, c'est-à-dire le Lilliputien qui tombe amoureux de la trapéziste et qui en fait va se faire rouler par elle parce qu'elle va l'épouser que pour son argent, alors que lui, il croit dur comme fer qu'elle l'a fini par l'aimer et que sa taille s'est tout à fait oubliée. Et puis au repas de noces, quand donc tout, bon bah il y a plus moyen de revenir en arrière, tous les phénomènes font circuler une coupe pour à la gloire un peu de Cléopâtre, quoi, pour la faire rentrer dans toute la grande famille des phénomènes. Elle se rend compte tout d'un coup qu'elle épouse Hans, mais qu'elle épouse aussi toute la famille des phénomènes. Et tout d'un coup, bon, ça la répugne et elle balance la coupe en les insultant, en disant « sale monstre répugnant, non, je ne suis pas des vôtres », et tout ça. Parce qu'elle prend aussi conscience de ça, alors qu'elle ne l'avait pas pris. Parce que ce n'est pas forcément... C'est pas une femme fatale, enfin, elle a pas tellement calculé, quoi. Elle s'est laissée avoir, mais c'est pas une femme foncièrement méchante qui joue les vampes. Bon, elle aime bien séduire, mais elle est pas forcément méchante, quoi. Et donc Hans va se rendre compte aussi, lui, pourquoi cette femme-là, elle l'a épousée. Enfin, en fin de compte, elle le prend aussi pour un enfant. Toute cette notion d'enfant, c'est tout le temps, ça revient tout le temps. Et lui, ça le blesse mortellement, il est humilié devant tous ses amis. Et alors là, la vengeance va être terrible, quoi. Todd Browning a été obligé de remanier la fin, là, maintenant, tel qu'on peut le voir, on voit deux fins, parce que c'était trop cruel, donc il a fait une happy end et tout ça. Paul Adrian. Le cirque a pu donner naissance un peu au film comique, si vous voulez, en ce sens que l'on a appelé les comiques au départ, les clowns, pour personnifier les premiers personnages. Par le biais de leur entrée, des entrées comiques qui étaient plus ou moins transformées, on a créé un genre cinématographique, si vous voulez, qui découle beaucoup. On retrouve énormément dans les films de Charles Chaplin, dans les films de Max Linder, on retrouve beaucoup d'entrées comiques. Le cinéma a donné peut-être au cirque certains effets de mise en scène dans des pantomimes. On ne peut pas dire sinon qu'il a tellement apporté. Vous parliez du comique, est-ce que ce sont les clowns en eux-mêmes qui ont pu apporter au cinéma, à votre avis ? Je pense qu'ils ont apporté pas mal de choses. De gags, pas mal de mines, pas mal d'entrées. Et ils se sont trouvés dans un autre milieu. Pour eux-mêmes, ça a peut-être été un tremplin également. Mais enfin, il y a eu leur apport initial. Rien ne pouvait ternir l'éclat de l'extraordinaire sourire gravé dans la triste figure d'Auguste. En piste, ce sourire prenait une vertu intrinsèque, se détachait, s'amplifiait, expression de l'ineffable. Au pied d'une échelle tendue vers la lune, Auguste s'asseyait, perdu dans la contemplation, sourire figé, pensée au bout du monde. Cette simulation de l'extase, portée par lui à la perfection, frappait chaque fois le public comme le summum de l'inconvenance. Le grand favori avait plus d'un tour dans son sac, mais celui-là était inimitable. Jamais aucun bouffon n'avait songé à figurer le miracle de l'ascension. De soir en soir, il s'asseyait ainsi, en attendant que le cheval blanc, dont la crinière ruisselait jusqu'au sol en fontaine dorée, vint doucement le mordiller. Cette tiédeur de naseau sur son cou était comme le baiser d'adieu d'une bien-aimée, l'éveillait exquisement comme s'anime chaque brin d'herbe sous une délicate rosée. Dans le champ du projecteur, gisait, cerné, l'univers où, tous les soirs, renaissait Auguste. Ne s'y trouvaient que ces objets, ces créatures, ces êtres qui se meuvent au sein des cercles enchantés. Table, chaise, tapis, cheval, clochette, cerceau de papier et l'éternelle échelle, la lune clouée au chapiteau, une vessie de bouc. Avec quoi Auguste et ses compagnons s'arrangeaient chaque soir pour reproduire le drame de l'initiation et du martyre. Sur la piste du cirque, sur la piste de l'école du cirque, Jeune jongleur, équilibriste, acrobate, funambule, trapéziste, s'exercent à leur art. Et dans son école, dans son cirque à elle, Annie Fratellini, clown, dit sa passion pour les clowns, exprime comment, pour elle, se mêlent cinéma et cirque. Il y a plusieurs manières de ressentir ce lien. Premièrement, j'étais née au cirque. Je suis née au cirque où j'ai tout appris. À 20 ans, j'ai tout quitté pour aller faire du cinéma, du musical. Et à ce moment-là, j'ai rejeté totalement le cirque. Je n'ai pas vu à ce moment-là le parallélisme qu'il pouvait y avoir entre l'un et l'autre, ou l'utilité en tout cas d'avoir été quelqu'un qui avait tout appris au cirque. Et puis, 15 ans plus tard, avec ma rencontre avec Pierre Etex, ça a été déterminant. Lui d'abord m'a dit qu'il était impensable que quelqu'un qui s'appelait Fratellini et qui avait en soi le don qu'avait ma famille, mais un don en plus de ça inné aussi, parce que ça n'est pas seulement par tradition que ça se transmet, il faut avoir quelque chose en soi, que donc j'étais faite pour être clown et que d'autre part j'étais faite aussi pour peut-être m'occuper un peu mieux des problèmes du cirque. Donc là j'ai tout arrêté, après ma rencontre avec Etex dans Le Grand Amour, j'ai tout arrêté pour me consacrer, pour redonner en fait cette mémoire à ma famille, mais pas forcément parce qu'elle était ma famille, mais parce qu'elle était celle qui était sûrement la plus grande famille du cirque et sûrement celle qui a fait l'histoire du cirque aussi. Alors je ne peux pas dire que le cinéma moi, m'ait apporté quelque chose pour être clown. Par contre, l'histoire nous dit que tous ceux qui ont fait du cinéma comique ont été des clowns. C'est-à-dire Keaton, Chaplin, Tati, ou Etex, ou Jerry Lewis. Tous ces gens-là sont passés soit par un mode comique sur scène, soit le plus souvent par le cirque. Et en plus du cirque, par l'acrobatie, c'est-à-dire savoir se servir de son corps. Alors à partir d'un moment, c'est évident, dans les années 25, quand le cinéma est arrivé, eh bien, les clowns n'ont pas senti que c'était un changement pour le comique qu'eux avaient porté de nuit, c'est-à-dire le comique de cirque. J'ai retrouvé une phrase de François Fratellini, qui a été un des plus grands clowns du monde, l'illustrateur des clowns, qui disait « Chaplin, c'est formidable sur un écran, mais je voudrais bien voir ce qu'il va donner s'il se trouvait avec nous dans une piste. » Il avait raison. Le travail est différent. Mais Chaplin encore lui dit « C'est au cirque que j'ai appris tout ce qui fait un grand artiste, la concentration et tous les arts qui font qu'un sourd et muet est un des plus grands acteurs. » Voilà. C'est-à-dire se débarrasser de la parole. En ça, le clown est proche des premiers qui ont fait le cinéma comique. C'est évident. À partir de ça, on va un peu plus loin. Les gens du cirque, les clowns eux-mêmes ne se sont pas posé le problème de savoir que peut-être le cirque devait évoluer. Le clown, en tout cas, aurait dû évoluer. Et ce n'est pas plus mal, à la limite. Parce qu'à partir de ça, ils ont fait leur propre spécificité, qui était d'avoir à travailler dans un rond. Et avoir à travailler directement avec un public, et non pas derrière un écran. Parce que c'est vrai que le cirque, c'est différent de l'écran. Quand on vous dit que la télévision, par exemple, peut retransmettre et remplacer tous les modes d'expression, on le sait maintenant que c'est totalement faux. Ça ne peut pas remplacer le théâtre, la scène en tout cas, ni l'opéra, ni le cirque, ni le cinéma, encore moins. Voilà, donc finalement, on s'aperçoit que chaque chose a sa valeur propre, que le cirque a sa valeur propre, et que le clown, il est fait pour être lié à la vie du cirque. En tout cas, on pourrait dire que le cirque et le clown sont liés par leur naissance. Ils sont nés pratiquement en même temps. Et que la parole, à la limite que les clowns ont le droit d'obtenir, ne leur ont pas vraiment servi. Puisque ce qui faisait leur différence, c'est que justement, ils étaient mimes, acrobates, et donc ça c'était important, ils ont trouvé leur vérité. Et qu'à partir du moment où ils ont pu parler, eh bien en plus ils ont pu se servir de la parole, mais que ça devait rester en delà. Et si on revient au cinéma, alors apparemment d'après ce que vous dites, au fond, le rapport entre le cirque et le cinéma se fait beaucoup plus entre le cirque et le cinéma muet. Je crois, bien sûr. Mais si vous voulez, les gens comme Tati ou Pierre Etex, que je connais personnellement, c'est qu'en fait, lui, quand il m'a rencontré, m'a fait découvrir justement tout l'apport du cirque par rapport au cinéma comique, ou en tout cas au cinéma qui n'est pas un cinéma de texte, et au comique donc de gestes. C'est évident que Pierre Etex se servait de beaucoup de gens qui avaient fait du cirque. Pourquoi ? Parce qu'ils me disaient, ils savent marcher, ils savent rentrer, ils sauront faire des choses qu'on ne peut pas forcément demander à un acteur. Et ça, c'est évident. Mais comment ont-ils obtenu cette connaissance de leur corps ? Bien, par l'acrobatie, par savoir marcher sur un fil, rechercher son équilibre, savoir jongler, savoir se mouvoir dans un espace. Alors là, on va rentrer dans le domaine de l'espace. Par rapport à l'écran qui est fixe et qui est une autre dimension. Ici, le cirque a un espace qui est parfait. C'est-à-dire ce rond qui n'a ni commencement ni fin et qui fait de rond en hauteur, enfin en largeur, en diamètre, c'est un espace global. Et le spectacle de cirque, en sa spécificité également, fait que il n'y a qu'au cirque qu'on peut se servir de tels agrès. Là, vous voyez ici 5 trapèzes accrochés, les cordes, le fil, l'acrobatie, un cheval qui pourrait tourner. Je veux dire que c'est fait exprès pour ce mode de spectacle. Alors qu'on peut très bien imaginer que certains théâtres, d'ailleurs, se servent du rond, puisque ça a été réinventé. Le théâtre a redécouvert le cirque et en même temps a redécouvert une autre dimension. Le théâtre à l'italienne, à partir d'un moment, n'a pas suffi aux gens de théâtre. Coppo lui-même a dit que cet espace-là était limité, alors que le cirque a emmené cet espace rond. Michel-Ange aussi avait dit que le rond, c'était parfait, comme Léger qui avait découvert les formes et les agrès qui sont dans un chapiteau. Donc tout ça fait que le cirque reste quelque chose de totalement différent et pourtant à la base de l'ensemble du spectacle. Et surtout, encore une fois, du cinéma comique, puisque les gens qui ont fait du cinéma comique savaient se servir de leur corps et où l'ont-ils appris ? Dans le cirque. En fait, il inspire plus des réalisateurs, au fond, que des acteurs. Ben oui, mais réalisateur comique, souvent lui-même un acteur, auteur. Oui. Hein, ça, c'est un. Keaton, oui. Ben oui, c'est évident. Et Keaton était un grand acrobate. Quand on lit les mémoires de Keaton, nous le savions, mais c'est vrai que Keaton, enfant, faisait déjà beaucoup d'acrobatie, parce que c'est vrai aussi que le cirque, l'acrobatie en tout cas, c'est un métier qui est moins difficile quand on le commence très jeune. Le cirque, oui, mais le clown, à quel moment peut-il apparaître sur un écran ? Comment un cinéaste peut-il le saisir ? Et nous, en tout cas, nous ne sommes pas filmables. Un clown n'est pas retransmissible. En ça, c'est sa grande force. Ça veut dire que ça ne peut être qu'un souvenir. Alors la télévision, encore une fois, qui est entrée en jeu depuis, ben, c'est évident, a posé des problèmes. Parce qu'on ne peut pas. Et nous, je sais que Etex et moi, nous l'avons fait une fois à nos débuts, il y a 15 ans. Et après, nous avons toujours refusé d'être filmés. Pourquoi donc cette personne, enfin ce clown qui refuse finalement d'être soi-même, pourquoi n'est-il pas filmable ? Parce que sa qualité première, c'est le cœur, la chaleur qu'il va posséder en lui, qui va faire qu'il va être reconnaissable comme quelqu'un de différent quand il va rentrer dans ce rond. À ce moment-là, seul le contact direct avec le public fait que le fluide va s'instaurer. L'écran va tuer totalement cet apport. Le maquillage est fait pour être vu de loin. Les gros plans ou l'image à plat du cinéma, encore une fois, va le mettre lui-même à plat. Il est quelqu'un de chair et de cœur. Donc à ce moment-là, le cinéma, c'est autre chose. Il faut écrire et c'est l'auteur à ce moment-là qui va prendre le pas, je dirais quand même, sur l'histoire, sur l'acteur. Il doit maîtriser tout ça, mais c'est quand même la manière dont les choses sont écrites qui vont faire que ça va être crédible. Or, ça, le clown ne peut pas, en plus, ne peut pas devenir un acteur. Donc, il n'y aura que sa vie à lui, que son action à lui, qu'il pourra montrer. Or, elle n'est pas intéressante sur un écran. Le rire sur un écran est différent de celui qu'on va donner dans une piste. Ici, vous donnez un coup de pied, donc vous vous faites mal, vous allez faire rire. Sur un écran, on sait tous les accessoires qu'on peut avoir. Le direct ne n'entre plus en ligne de jeu. On peut recréer tout. Mais Méliès a tout réinventé. Le mystère du cinéma ne peut pas être celui du cirque, où il n'y a qu'un mystère, c'est celui du travail. Il n'y a pas de trucage au cirque. Alors que sur un écran, vous pouvez faire apparaître quelqu'un, ça n'est pas merveilleux, puisque c'est possible par la technique. Alors qu'au chapiteau, si vous faites disparaître quelqu'un que vous voyez trouver au trapèze, croyez-moi, il faut chercher longtemps avant de le faire. Et à ce moment-là, le merveilleux prend un autre aspect. Ça n'est plus le même trucage. Je dirais qu'au cinéma, on a besoin de trucage, dans le cinéma comique, hein, de trucage et d'un auteur qui va savoir adapter un personnage, donc qui peut être un acteur, à sa situation. qu'il y a un mode comique qui interviendra, c'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois une situation, mais ça, on rentre dans un domaine de science écrite, et ça, un homme comme Etex pourra mieux vous l'expliquer que moi. Mais je sais que moi, en tant que clown, par exemple, que voulez-vous que j'aille faire dans un film ? Je ne pourrai pas y parler, je serai un autre personnage. Et, or, mon personnage n'en est pas un. Je suis un clown. Je n'ai pas à prendre l'identité de quelqu'un. Il y a une phrase superbe de Cocteau qui l'avait très bien définie dans les années 25. Il s'intéressait, il était passionné par l'art clownesque et par les clowns. Il avait dit la différence entre un clown et un acteur, c'est que le clown travaille et l'acteur joue la comédie. Et c'est vrai que nous, nous ne disons pas nous allons jouer ce soir, nous allons travailler. Mais à partir de ce travail-là, nous devrons totalement faire oublier que nous travaillons pour ne devenir qu'un clown et faire totalement oublier que nous sommes quelqu'un de chair, finalement. Assis, envahi par les souvenirs de milliers de nuits semblables face au miroir, Auguste en vint à comprendre que cette vie à part, cette vie jalousement gardée comme sa propriété exclusive, cette existence secrète qui était censée sauvegarder son identité, n'était absolument pas une vie. Était en fait zéro. Pas même l'ombre d'une vie. Il n'avait commencé à vivre que du jour où il s'était joint à cette troupe dès lors qu'il s'était mis à servir comme le plus humble des humbles. Et cette vie secrète s'était évaporée presque sans qu'il s'en aperçût. Il était redevenu un homme comme tant d'autres, s'acquittant des mêmes absurdités, mêmes inutilités, mêmes nécessités que les autres. Et il avait connu le bonheur ainsi, et la plénitude des jours. Et ce soir, il allait paraître non comme Auguste, le clown de renommée mondiale, mais comme Antoine, dont personne n'avait entendu parler. Henry Miller, le sourire au pied de l'échelle. Les animaux du cirque. Les chiens sautent à travers les cerceaux. Dans les cages s'animent les fauves. Sur les petits tabourets s'assoient les éléphants. Et sur la piste tournent les chevaux. Paul Adrian. Toute la partie équestre du cirque a été très importante. Et alors là, il y a une chose, quand on parle de chevaux au cinéma, on parle de western. Et le western, c'est assez amusant, a été en partie, au début, animé par des gens de cirque. On a fait appel à des gens de cirque, parce que les premiers films où il y avait des cowboys, où il y avait des indiens, il fallait des cavaliers expérimentés. Or, des cavaliers expérimentés étaient souvent des écuyers de cirque. Et même certaines compagnies américaines qui reconstituaient les jeux du Far West déjà, comme l'a fait Buffalo Bill, il y avait un autre, c'était le Ranch 101 de Miller, et ce sont à eux que l'on a fait appel pour être les premiers animateurs de western. Et par ricochet, on retrouve des numéros de la compagnie Buffalo Bill qui a été aussi filmé, qui a servi au tout premier film d'Edison. On retrouve dans les premières bandes d'Edison des numéros tournés avec Buffalo Bill. Alors sinon, à part le western, les chevaux apparaissent aussi souvent dans les films sur le cirque. Comment est-ce qu'ils sont filmés à ce moment-là ? Par le biais d'une histoire des cuillères, et on fait appel à des gens de cirque. On a fait souvent appel au Rancy, par exemple, qui ont tourné pas mal de films de cirque, doublé des artistes aussi, parce que il faut aussi penser qu'au cinéma, l'acteur ne fait pas tout, bien entendu. Alors on a souvent fait appel au frère Rancy, qui avait créé d'ailleurs une compagnie qui s'appelait Les Cavaliers de l'écran. Et on a tourné aussi des films dont l'héroïne était une écuyère. Les Rancy ont tourné dans Croquette. On a tourné un film qui s'appelait Cavalerie légère en Allemagne, dont l'héroïne était une écuyère, avec un pauvre clown aussi. Redonner la mémoire du cirque, oui, mais il y a surtout des chefs-d'œuvre du cinéma. Et tout d'abord, un certain cirque de 1927. Paul Adrian. c'est le cirque de Charlie Chaplin, qui est l'un des mieux faits du début du cinéma, et qui vraiment est à la fois très cinématographique, puisque Chaplin était ce que l'on sait, et ensuite reflète une certaine vision du cirque, qui n'est pas une vision poétique, mais qui est une vision mi-réaliste, mi-spectaculaire. C'est un des meilleurs films sur le cirque. On peut pas dire de cirque, enfin sur le cirque. On peut peut-être rappeler en deux mots la trame de ce film. Oh, c'est la trame de ce film rappelle un peu l'entrée de l'Auguste au cirque, parce que Chaplin est poursuivi, elle arrive à être poussée dans une piste comme parmi les Augustes, et il fait rire sans l'avoir voulu. Or, ce thème est un peu, c'est un peu cette façon que l'on a dit que l'Auguste, qui est donc le partenaire du clown blanc, est entré en piste la première fois. Et il paraît que, selon la légende, que ça aurait été un artiste qui aurait été poussé en piste pour une raison ou pour une autre, et donc aurait fait rire et serait fait appeler Auguste, qui était un terme amusant, populaire en Allemagne, enfin qui ferait un peu comme imbécile. Où Chaplin est amoureux d'une artiste du cirque, et puis il en rêve, et son amour ne réussit pas. Mais pour lui plaire, il essaie toutes sortes de numéros. Il essaie un numéro d'illusionniste, essaie un numéro de funambule, gag bien entendu, avec toute la tendresse qu'il peut y avoir. Avec la fin, il retrouve une paillette de l'écuyère, son rêve est parti, les caravanes s'en vont. Enfin, cinéaste, clown, Pierre Etex, un être qui vibre pour la vie de la piste. Le cirque de Chaplin, c'est un cirque complètement factice, mais qui est plus vrai que le vrai par certains côtés. Et comment ça ? Ben simplement parce que toutes les entrées de clowns sont décalées, elles ne sont plus dans la piste, elles sont hors la piste. Je veux dire, elles sont dès l'instant qu'il évolue dans une foire et qu'il évolue poursuivi par un pickpocket, poursuivi par un flic, les cops qui courent après, ils se réfugient dans un manège d'automates, et là, ils commencent à faire l'automate, et c'est à la fois, toute cette séquence est bâtie, comme on bâtit une entrée clownesque, et c'est une entrée de clown à l'intérieur d'un film sur le cirque, ça c'est merveilleux. On peut dire que toute l'œuvre de Chaplin est comme ça. Le cirque est présent dans certains films, c'est vrai. Je pense à La Flèche et le Flambeau, dans lequel il y a Burt Lancaster, qui est un héros... dans un film pseudo-historique, n'est-ce pas, et qui fait vraiment des démonstrations d'un homme de cirque, c'est-à-dire qui fait vraiment des numéros à certains moments qui sont prodigieux, et là l'acteur d'un seul coup prend une dimension fabuleuse parce que justement il prend un potentiel dramatique extraordinaire, et là-dedans on ressent toute la mécanique justement, tout l'apprentissage, etc. Et là ce film est proche du cirque par le côté spectaculaire des choses, et même toute l'histoire qu'on nous raconte est lié, si vous voulez, à l'image du cirque. 1938, Jacques Feder tourne Les gens du voyage. Paul Adrian. Derrière une trame romanesque, Les gens du voyage de Feder, par exemple, évidemment, on a pu contester parfois un peu, surtout à l'époque, le parler de certains protagonistes. Mais il y avait quand même... la vision nette d'un cirque ambulant revenant tous les jours. Alors, il y avait ces séquences où on voyait les tchécos, qui étaient les monteurs de l'époque, qui tapaient en cadence sur les pinces. Enfin, ça donnait vraiment la vision d'un cirque ambulant. C'est surtout pour l'ambiance que le cinéma a pu apporter de temps à autre au cirque, apporter même... de ces artistes, parce qu'il y a des gens qui ont été séduits par le cirque à travers la vision qu'en donnait le cinéma. Françoise Rosay, la dompteuse des gens du voyage. Elle tournait ce film avec son mari Jacques Feder et elle se confiait il y a quelques années au micro de Jacques Chancel. Dompteuse, je voulais ou être fermière ou être dompteuse. Alors j'ai été dompteuse dans un film et je n'ai jamais été fermière. J'adore le cirque, je trouve ces gens épatants. Je trouve qu'ils ont un talent fou, un courage formidable et une modestie. J'ai vécu avec eux quand j'ai tourné Les gens du voyage avec Jacques. Parce que j'ai appris mon rôle de danteuse quand même, il a fallu que je le fasse avec mes saint tigres et puis mon petit lion. Mon gros lion d'ailleurs était gros. Ce qui a été le plus pénible, c'est la scène où de la lionne malade, parce qu'il fallait qu'elle ait la tête sur mes genoux. Alors là, ça a été très compliqué à réaliser, mais on l'a fait quand même. On l'a endormi, on a eu beaucoup de mal à l'endormir, et c'est lourd une tête de lion, c'est pas croyable. Est-ce que vous pensez que le cirque, aujourd'hui, est ce qu'il était autrefois? Ah non, tout à fait différent. Mais ce sont toujours des gens merveilleux. Parce que maintenant, ça se rapproche du musical un peu. Mais de mon temps, c'était le vrai cirque avec le clown à paillettes. Déjà, le clown a changé quand Baguessen, ça ne vous dit rien, vous êtes tous des jeunes gens, est venu à Paris avec un grand triomphe d'ailleurs, qui est venu en loque avec un numéro comique d'assiette. Il avait un numéro d'assiette et du papier collant, c'est le premier qui fait ça. Insensé, merveilleux et étonnant. Mais comme on a pris beaucoup de clowns qui ne pouvaient pas se payer le costume à paillettes, on dit, mais on peut être drôle aussi en trou. Alors, il n'y a plus qu'un clown maintenant qui est habillé en vrai clown. Mais les vrais clowns étaient épatants. Moi, j'ai vu Foutite et Chocolat. Chocolat était merveilleux. Foutite étonnant. Enfin, vous me disiez, évidemment, j'étais très jeune et j'aimais les clowns. Mais il y avait des numéros, il y avait des tas de choses. C'était pas musical. Alors ça, on a modernisé. Puis maintenant, on le supprime. Je suis persuadé, Françoise Rosay, que vous auriez été un excellent clown sur la piste. Jamais, j'aurais été très fier s'il l'avait été. En 1952, Cécile B2000 ouvre le rideau sur le plus grand chapiteau du monde. L'un des films les plus expressifs du cinéma sur le cirque américain. Il est réalisé par Cécile B2000. Il est réalisé, alors Cécile B2000, c'est, on peut dire pour le cinéma, un barnum. Il a réalisé aussi des péplums, il a réalisé aussi pas mal de choses, donc on pourrait voir là aussi d'autres rapports. Et c'est un véritable reportage sur l'un des plus grands cirques du monde, effectivement, qu'étaient Barnum, Bailey et Ringling. Là, ça devient en plus un document, parce qu'il nous montre le cirque Barnum au temps où il était ambulant. Or, depuis quelques années, il n'est plus sous chapiteau, il ne visite que des halls. On présente toujours ses spectacles grandioses sur trois pistes. Alors, c'est une vision qui est d'autant plus intéressante que beaucoup de gens ne l'ont pas. Blague de dite, lorsque l'on enlève le filet pour les trapézistes, ou qu'on le garde pour des trapézistes volants, on le garde pour des numéros de trapèze simples. Il y a la vision d'un clown, c'est un Auguste, enfin c'est l'Auguste Patoche, James Stewart dans le film, qui passe sa vie maquillé. Enfin, donc le puriste voit des invraisemblances. Mais c'est quand même un grand film, au point de, c'est un grand reportage. Pierre Etex. Sous le plus grand chapiteau du monde, recèle quelques éléments qui me touchent beaucoup. Je veux dire, il y a dans la cavalcade de la fin, cet esprit aussi qui n'est qu'au cirque. Tout est fichu, tout est cassé, il n'y a plus rien, on ne peut plus s'en sortir. Et puis il y a quelqu'un qui vient dire, on travaille ce soir. Et le soir, avec ce qui reste, on fait un spectacle. Et on commence la parade dans la ville. Et il y a dans cette séquence quelque chose qui est très émouvant, mais qui est relatif à un clown authentique, qui était Emmett Kelly, qui est mort maintenant, et qui a inspiré beaucoup Jerry Lewis. Emmett Kelly, c'est le Trump vagabond américain, et qui est sur un char. Et sur ce char, il fait une réussite. Et cet homme en loc, qui aligne des cartes pour faire une réussite, avec le plus grand sérieux, subit le coup de vent qui emporte toutes les cartes, et il a un geste d'impuissance qui est d'une drôlerie et d'un tragique terrible, et qui est pour moi le reflet du siècle. Tout le côté romanesque du film du plus grand chapiteau du monde est détestable, je veux dire, les intrigues policières. On s'aperçoit toujours que tous les films qui ont été faits sur le siècle ont toujours eu pour support des intrigues policières ou des mélodrames. Mais il y a toujours la mort qui rôde dans les histoires sur le cirque, toujours, plus ou moins de près ou de loin. Or, c'est pas vrai, bien sûr, les gens du cirque jouent avec la mort tous les jours, c'est vrai, ils risquent leur vie tous les jours, mais ils n'y pensent pas, alors qu'on a l'impression que dans les films sur le cirque, c'est pesant, il y a toujours une angoisse qui pèse, alors qu'au cirque, il n'y a pas d'angoisse. 1955, Lola Montes, de Max Ophüls. Une vision, alors là, tout à fait féerique du cirque, un peu extravagante. C'est le cirque vraiment vu par le cinéma. Ça peut être réaliste pour l'histoire de la Montaise, mais il n'y a aucun réalisme. Mais des choses quand même qui enthousiasment assez l'amateur de cirque et l'amateur de cinéma par ricochet. Les deux peuvent être heureux, tout en ne voyant rien de vrai. Des dizaines de nains, des chevaux, des trapèzes en même temps. Il y a des images superbes, et parce que c'est un délire d'image. Lola Montes, où Max Ophüls découvre couleurs et cinémascope. À Munich, sous l'immense chapiteau que l'on construisait pour le film, le réalisateur évolue au milieu des enfants de la balle. Ces hommes, clowns dans leur vie, il les regarde comme des pompiers, des épiciers ou des professeurs. Ces femmes, acrobates, jongleuses, comme des hôtesses de l'air ou des dactylos. Le monde est dans le cirque. Et la vie de Lola, Martine Carol, une gigantesque parade qui se déroule devant les yeux des spectateurs, montrée et commentée par un Peter Ustinov en Monsieur Loyal. Une demi-prostituée, une médiocre danseuse, une jolie frimousse. Ainsi Max Ophüls parlait de Lola Montes. Une femme qui ne l'intéressait pas, disait-il, mais dont le personnage était le prétexte à montrer mille réactions masculines autour d'elle, mille réactions humaines. À sa sortie, le film fut mutilé par les distributeurs. Puis, après la mort d'Ophüls, rétabli, avec une publicité clamant « Venez voir le film qu'aurait voulu vous montrer Max Ophüls ». Justement, il en était mort de cette mutilation. Mais au-delà de Lola, il y a, pour le réalisateur, le cirque, le cinéma, le monde. Dans le cinéma, il faut être audacieux, peut-être mufle. Mais surtout, il ne faut jamais avoir peur, ou c'est la fin de tout. C'est comme dans le cirque. Je pense maintenant beaucoup au cirque. Vous aimez les acrobates? Avez-vous lu les frères Zemgano de Jules et Edmond de Goncourt? Vous voyez, un acrobate, un trapéziste, c'est extraordinaire. Une seconde de peur, d'hésitation, il perd le mouvement, la précision et le numéro est raté. C'est la même chose dans chaque art. Si l'on a peur de son audace, si l'on recule devant une expérience, devant sa propre conception, en cédant au goût des autres, on ne fait que de la boustifaille. Moi, je refuse. Pour moi, la plus grossière erreur est plus digne d'un artiste et a beaucoup plus de valeur objective que le lieu commun le mieux réussi et le plus applaudi. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui me satisfait le plus, applaudissements ou sifflets. Revenons au cirque. J'étais il y a quelques jours à Medrano. J'ai compris. C'est un art sans contenu illustratif, un art abstrait, si vous préférez. Une manifestation d'éléments divertissants, parfois précieux, mais vidés d'intrigues littéraires. Cependant, si l'on composait ces éléments avec la logique d'un dramaturge, cela pourrait donner une suite de symboles pleines de signification. Un drame volant. Je pense aux acrobates, aux trapézistes. Dans Lola Montes, le cirque prend justement le sens symbolique. Si je mets les géants à côté des lilliputiens, c'est pour montrer que la vie comporte les extrêmes. Il y a du grand, mais il y a aussi de l'infiniment petit. Il y a de la beauté, mais il y a aussi du répugnant. Il y a du bonheur et de la souffrance. Si je demande une couleur dominante pour un épisode à part, je veux par contre que toutes les couleurs se heurtent sur la piste du cirque parce que mon cirque parcourt toute une vie, englobe toutes ses phases. Peut-être cela ne sera-t-il pas très clair, explicite pour le public, mais 10 ou 20 personnes dans la salle le sentiront sûrement. Et ils applaudiront. Pour moi, pas pour le producteur. Ce sera déjà assez. J'aime la masse humaine en tant que spectacle, mais pas en tant que spectateur. Si j'avais les moyens matériels, j'aurais fait Lola Montes avec 20 000 exécutants pour le présenter dans une petite salle de cinéma d'essai. Le dompteur à l'écran. En 1933, par exemple, Big Cage de Kurt Neumann. Paul Adrian. Bon, on n'a pas toujours présenté non plus le dompteur sous un bel angle. Mais il y a eu certains films comme Big Cage avec le dompteur Clyde Beatty qui était vraiment l'histoire de la préparation d'un numéro de fauve, qui est un des grands films de cirque à voir. On a retrouvé Clyde Beatty par la suite dans deux, trois autres films, mais là, dans Big Cage, son numéro était vraiment très complet. Et là, c'était au fond plutôt un documentaire, un reportage. C'est un documentaire avec une histoire sentimentale, mais enfin. Alors, dans les reportages, il y a eu d'ailleurs aussi, parce qu'on a fait certains documentaires sur le cirque, par exemple, Rêve de clown avec les trois Fratellini, qui donnaient leur numéro, qui est filmé. Et donc, il reste un document. C'est arrivé pour Grock également. Grock a tourné plusieurs films. Il en a tourné d'abord un dont on ne parle plus, qui s'appelait simplement son premier film. Ensuite, il en a tourné un qui s'appelait aussi d'une façon Grock. Puis, au revoir, Monsieur Grock. Et ensuite, plein de petits documentaires. Alors là, au-delà de l'histoire, au-delà de la facture du cirque, vous avez le document sur le clown. Nicolas Bataille, lui aussi metteur en scène d'un cirque, celui de Claude Mauriac, au théâtre de la Huchette. Homme de théâtre, il n'a pas négligé les cirques cinématographiques. Puisque nous parlons du cinéma, d'autres réalisations cinématographiques se servent du cirque uniquement comme décor. Les Marx Brothers au cirque, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, Un jour au cirque, Une nuit au cirque, ou comme il y a eu un jour aux courses ou Une nuit à l'opéra. Bon, mais c'est un prétexte pour amener tous leurs gags qu'ils ont déjà amorcés dans d'autres films et dans d'autres décors. Alors que le plus grand chapiteau est, à mon avis, un documentaire, un très beau documentaire sur un grand cirque, énorme. Et je vous signale, il y a un très beau cirque dans un film qui vient de sortir qui s'appelle La Promise. Dans La Promise, il y a un cirque qui se situe au 19e siècle et qui est très joli et très authentique. Le cirque au cinéma a apporté la possibilité d'exploiter un univers tout de même très particulier. Alors, on s'en sert comme décor pour y jouer la porteuse de pain qui deviendrait l'haltérophile orpheline ou bien la trapéziste trompée, etc. Enfin, on y trouve toutes les vieilles histoires de triangles, comme dans Trapèze, où la femme et deux hommes, qui pourraient très bien se passer dans une pièce de Guitry, dans un salon, par exemple. Hein. Alors là, ça se passe sur des sur des trapèzes. Bon, alors donc on s'en sert comme moyen exotique. Frick n'est pas un film, disons, sur l'exotisme. Ça montre un problème terrible de ces gens que l'on montre et qui vivent de leur difformité. Bon, le film de Cécile Benmille, bon, je l'ai dit, on nous montre un cirque de la façon la plus objective qui puisse être. Enfin, un cirque monstrueux, puisqu'il est énorme, ce cirque, par rapport au petit cirque de la Strada qui est un côté misérabilisme. Enfin, c'est sans famille. Bon, alors on peut retrouver le côté sans famille au cinéma que l'on transpose sur une piste de cirque. Je ne suis pas comme, disons, une majorité de spectateurs qui pensent que le cirque est un spectacle uniquement pour les enfants. C'est pas vrai. Le cirque, c'est un spectacle pour adultes. Et ce que j'aime dans le cirque, c'est justement cette espèce de concentration de discipline extraordinaire qu'il y a dans tous les numéros, parce que chaque numéro a un danger de mort, aussi bien les trapézistes que les dompteurs et que les clowns, parce que s'ils ne font pas rire, c'est aussi dangereux pour eux que de tomber d'un trapèze. Mais c'est bien dommage de ne pas se servir du monde du cirque tel qu'il est pour montrer aux gens que dans ce qu'il pense être uniquement un spectacle pour enfants, il y a chaque jour et à chaque spectacle une question de vie ou de mort. Le point de vue du spectateur, Pierre-Robert Lévy. Le plus souvent, j'ai été déçu. À vrai dire, ces films m'ont paru centrés sur un artiste dans sa spécialité, un dompteur, des trapézistes, un clown ou des clowns. Je crois qu'il faut distinguer entre deux catégories de films. Les films romancés, avec une intrigue dramatique, et puis les films spectacles, qui sont des successions de numéros. Les Russes sont passés maîtres dans ce genre de films. Il y a Le Grand Cirque de Moscou, La Reine des Audacieux, Parade Allée. Il y en a un qui me touche particulièrement, c'est le cirque de Charlie Chaplin. Il y a le climat du cirque. Il a tiré parti des vrais éléments du cirque. L'écuyère, le funambule, l'illusionniste à grand truc, les fauves. Et moi qui suis en particulier un amoureux des clowns, j'ai retrouvé dans le film de Chaplin, j'ai retrouvé deux entrées, des sketchs clownesques traditionnels, Le Barbier et Guillaume Tell. Je crois que le cirque de Chaplin me touche parce que c'est un film muet. J'ai vu il y a peu de temps un film qui n'a aucun rapport avec le cirque, c'est La Traversée de Paris, le film de Claude Autant-Lara. Et j'ai été absolument émerveillé par l'authenticité, la discrétion, la vérité des dialogues. Les dialogues sont signés Bost et Orange. Et chose étonnante, Pierre Bost est l'auteur d'une histoire du cirque et du music hall. Et quand on regarde les films qui ont été réalisés, les grands films américains, enfin tous les films en général, on s'aperçoit que Bost et Orange auraient fait un merveilleux film sur la vérité du cirque. Pour réaliser un vrai film sur le cirque, si on retrouve un nouveau Janson, un nouvel Audiard, de nouveaux Bost et Orange, eh bien il serait bon que ces gens-là vivent pendant quelque temps la vie du cirque, approchent les gens du cirque. Et ils s'apercevraient que ce sont des gens en général, surtout avec la vie du chapiteau, des gens qui n'ont pas le temps de parler. Les chapiteaux en général, du moins dans nos pays, font une ville par jour. Il y a le montage, il y a le démontage. Il y a quelquefois aussi les répétitions. Je crois que le cirque, c'est un spectacle pur qui suscite la fiction, mais que la fiction le trahit chaque fois. Au cinéma, je ne dirais pas que le cinéma triche, mais il transpose, l'auteur transpose, le dialoguiste transpose, le metteur en scène transpose. On ne retrouve pas, après ça, le vrai cirque. Il y a deux films extrêmement célèbres. Ce sont les deux films américains, celui de Cecil B. DeMille, sous le plus grand chapiteau du monde, celui de Hathaway, qui s'appelle le plus grand cirque du monde, et qui sont des cirques très intéressants. Et il y a dans chacun des films des catastrophes. Dans le film Sous le plus grand chapiteau, c'est une catastrophe de chemin de fer qui pulvérise tous les wagons comme des boîtes d'allumettes. Dans le film de Hathaway, c'est d'abord un naufrage, et puis ensuite un incendie qui ravage le chapiteau. Et bien dans les deux cas, il y a une personne qui réagit et qui dit « Le cirque continue quand même, on va jouer. » Et le lendemain, quelquefois le même soir, le cirque donne sa représentation en plein air. C'est absolument effarant de voir que les mâts sont tendus, le fil du funambule est absolument impeccable, le matériel des trapézistes volants, quand on sait que la rattrape des volants, ça se fait à la fraction de seconde, est montée. Les lions se sont échappés. Mais ils sont tous à leur poste, il ne manque pas un cheval, il ne manque pas un bouton de guêtre de garçon de piste. C'est tout à fait faux. Mais est-ce que c'est si grave que ça, au fond, toutes ces invraisemblances? On a envie de rêver, non, quand même, à travers le cinéma. C'est autre chose, là, qu'on demande au cinéma. Oui, mais il y a des invraisemblances, à mon avis, qui dévalorisent le cirque. Alors il y a une autre catégorie de spectacles, ce sont les films qui sont une succession, qui montrent une succession de numéros. Et là les Russes font merveille, parce qu'à mon avis, ils ne font pas l'erreur dans leurs films de présenter les numéros in extenso. Quand on montre les artistes, depuis leur entrée en piste jusqu'au salut final, on montre des numéros qui sont quelquefois excellents, mais dans chaque numéro, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il y a des moments, quand vous êtes au cirque, où vous quittez un moment l'artiste, vous regardez un détail, vous regardez le visage de l'assistante, vous regardez une suspension de cheville, vous faites le gros plan sur le visage de l'artiste qui se concentre avant le grand trick. Tout ça, ça passe très mal à l'écran, et ça ne passe pas du tout sur le petit écran. Et il y a eu cet été, l'été dernier, une série anglaise qui présentait chaque semaine 6 ou 8 numéros. C'était très ennuyeux, les numéros étaient bons, mais ça n'accrochait pas. Il y a quand même là-dedans les bons exemples, ceux des Soviétiques. Et puis par exemple les films d'André Salé, qui a filmé plusieurs années de suite le festival du cirque de demain, et qui a montré l'essentiel, qui a montré vraiment ce qu'il y avait de plus original et de plus beau dans chaque numéro. Il y a eu aussi les films qui ont été tournés au festival du cirque de Monte-Carlo, où en moins d'une heure, on montre l'essentiel de 4 séances de sélection de cirque avec peut-être une trentaine de numéros. Ça, ce sont des grands films de spectacle. Vous parliez tout à l'heure des gros plans qu'on se fait soi-même lorsqu'on est au cirque. Pourtant, le cinéma devrait être l'outil extraordinaire pour ça, justement, pour faire des plans de coupe, des gros plans, pour montrer des détails que soi-même on choisit lorsqu'on est au cirque. Oui, il faut penser que quelquefois, le réalisateur n'a pas cet œil. Je pense que Margaritis, qui filmait 1 ou 2 fois par mois, la piste aux étoiles, aura réalisé un film merveilleux sur le cirque. Parce qu'il avait, lui, l'œil. Alors je crois qu'on attend le réalisateur qui combinera le film d'atmosphère, l'étude de mœurs, parce que la vie du cirque est quelque chose de très différent de ce qu'on peut imaginer ou de ce qu'ont dépeint les romanciers ou les scénaristes, et qui aura, lui, cet œil neuf pour montrer le meilleur des numéros. Aucun ne vous satisfait jusque-là, ni même parmi ceux que l'on dit des plus réussis, comme Frix, comme Lola Montes, comme ceux de Fellini, comme Pierre Etex. Yo-Yo est très charmant, Etex est un clown, et il a réalisé un des films les plus sensibles sur le cirque, mais pas uniquement non plus sur le cirque. Fellini a réalisé un film sur les clowns qui, en général, ne satisfait pas du tout les gens du cirque. D'abord parce que ce film est très fellinien, et c'est comme ça qu'il faut le voir dans sa beauté, dans son originalité, mais il n'a pas retrouvé d'une façon fidèle les silhouettes, les masques des clowns qu'il dépeint. Et je sais, parce que mon ami Tristan Rémy a participé au tournage des clowns, que Fellini tournait des scènes entières qui sonorisaient à sa façon par la suite. Et je crois que certains clowns ont été très éprouvés parce qu'on leur a fait dire des choses qu'ils n'avaient absolument jamais prononcées. Il y a longtemps, les clowns sont entrés dans la vie de Federico Fellini. Un matin, une sorte de ballon aérostatique qui le soir précédent n'était pas là, se mit à flotter devant les fenêtres de ma chambre. Je pensais tout d'abord qu'il s'agissait de la voile d'un bateau démesuré. Je liais instinctivement l'invasion, car il n'y avait pas de doute, c'était bel et bien une invasion, à quelque chose de marin. Elle devait être le fait d'une bande de corsaires. Je vis mon premier clown, Pierino, dans la journée, sur la grande place, près de la fontaine. J'aurais voulu le toucher. J'aurais voulu être lui. Toto, son frère, était un clown blanc misérable. Pour tout costume, il avait une chemise, une cravate et un pantalon de suédine. Faire rire les gens me sembla un grand privilège, une chance merveilleuse. Lors d'une matinée qui fut donnée hors du chapiteau près de la prison, j'ai vu les détenus hurler derrière les barreaux. Une ou deux fois, le clown blanc Toto leur adressait la parole comme il l'aurait fait avec un groupe d'augustes malheureux. Car, comme chacun sait, il y a 2 sortes de clowns. Le clown blanc et l'auguste. Le clown blanc doit donner des gifles. L'auguste dit « J'ai soif ». Le clown blanc dit « Avez-vous de l'argent ?» L'auguste dit « Non ». Le clown blanc dit « Alors, vous n'avez pas soif. » Le clown blanc est porté à exploiter l'auguste. Il en fait son souffre-douleur, son domestique. Le clown blanc envoie l'Auguste chercher les chaises. Lorsqu'une bougie lui brûle les mains, il la dépose sur le derrière de l'Auguste. Le clown blanc est un bourgeois, en ce sens qu'il tient aux apparences, qu'il veut épater. Il suffit de le voir pour comprendre qu'il est riche, puissant, merveilleux. Son visage est blanc, spectral. Le dessin de ses sourcils arrogant, sarcastique. Sa bouche est marquée par un seul trait dur, antipathique, froid. Il change de costume 3 ou 4 fois dans la même soirée. Ils sont tous plus somptueux l'un que l'autre. L'Auguste, au contraire, tel le clochard, l'enfant, le vagabond, l'ivrogne, est défini par son costume. Donc, il ne peut pas le changer. Sans doute, l'Auguste subirait le charme raffiné du clown blanc si celui-ci ne s'imposait pas de façon aussi péremptoire. Les paillettes du clown blanc sont luisantes, mais elles sont évidemment inabordables. Alors, l'Auguste fait pipi dans sa culotte, renverse un seau d'eau sale sur sa tête, se révolte contre cette perfection que, de toute manière, il ne pourra jamais atteindre. Il se saoule, il se roule par terre, dans une contestation perpétuelle. Lorsque je me vois en clown, c'est sous les traits d'un Auguste, mais il est possible que je sois aussi un clown blanc. Ou même le directeur du cirque, le médecin des fous devenu fou à son tour. On peut continuer ce jeu. Antonioni est un Auguste, un de ces Augustes mélancoliques et silencieux. Visconti est un clown blanc d'une grande autorité. Son costume somptueux suffit déjà pour intimider. Ce jeu est si vrai que lorsqu'on se trouve en présence d'un clown blanc, on est porté à faire l'Auguste, et inversement. Ce genre de situation peut se produire même au cours de la messe entre le prêtre et certains sacristains qui troublent le rituel pour faire la quête en rôdant autour des bancs l'œil éteint, perdu. On peut encore comparer le clown et l'Auguste au couple que forment l'ange à l'épée flamboyante et le pêcheur. Le clown et l'Auguste soulignent en les représentant dissociés les deux attitudes psychologiques essentielles de l'homme, tournées l'une vers le haut, l'autre vers le bas. Même lorsqu'ils se battent sur la piste à coups de canon, nos deux personnages finiront toujours par se réunir au son d'une trompette et partir ensemble. Pourquoi ce final nous touche-t-il tellement? Parce qu'il réalise un de nos mythes les plus enracinés, la conciliation des contraires, la possibilité pour l'homme de retrouver son unité tout en gardant sa complexité. Ce n'est pas la petite musique de cirque qui touche le spectateur pendant le combat obstiné qui oppose tout au long d'une entrée le clown et l'Auguste. C'est la constatation d'une incapacité de notre part à fondre ensemble nos deux moitiés. Il suffit en effet que le clown lui demande de jouer du violon pour que l'Auguste commence à péter du trombone. Il suffit que le premier exige du second qu'il soit bien habillé pour que celui-ci s'enfonce dans ses guenilles misérables. L'histoire du clown et de l'Auguste est un apologue parfait des effets néfastes d'une éducation abstraite. Lao Tzu dit « Lorsque tu as forgé une idée, clown blanc, sache en rire. » Auguste. Cirque, intérieur nuit. Grande contre-plongée sur le fou, qui tournoie sur un trapèze dans le faisceau de lumière projeté par des lampes accrochées tout en haut. On voit son ombre sur la toile. Dans les coulisses, le patron et Gelsomina regardent vers le haut, le fou hors champ. Zempano derrière eux, presque de dos, jette vers le haut un regard de mépris, au fond des ballerines. Tous sont grimés. Gelsomina, avec autour des yeux des traits imitant les cils, du rouge sur le nez et la bouche, sa cape, son melon et son tricot rayé. Girafa, le nez rouge, une grande veste de clown à carreaux. Zempano, les cheveux gominés, ses poignets de cuir cloutés et le torse nu. Flash, sur deux clowns sur la piste, faisant mine d'avoir peur en regardant le fou. Derrière eux, le public nombreux. Le fou, en contre-plongée, se laisse tomber de son trapèze sur un âne et est reçu sur la piste par le présentateur qui donne le signal des applaudissements. Anthony Quinn, le grand Zampano, Giulietta Massina, son visage rond, ses yeux étonnés, ses petits cheveux blonds fouettés par le vent. La Strada, 1954. Puis en 1970, Les Clowns de Fellini. Pour mon film Les Clowns, mon idée de départ s'est aussitôt confondue avec le travail préparatoire auquel je me livrais. Pour un film avec des clowns, j'ai dû me documenter sur eux. Je ne pouvais pas me suffire de mes souvenirs ou de mes nostalgies. Peu à peu, le film s'est construit sur ces trois éléments. Mes souvenirs, le documentaire qui s'est intégré au film lui-même, et une succession de numéros en forme d'allégorie sur la mort du clown. Les clowns ne sont pas de véritables acteurs. Ce sont des comédiens comme ceux qui, avant la dernière guerre mondiale, interprétaient des sketchs pendant les entr'actes. À cette époque, c'était un genre très à la mode qui a désormais presque disparu. J'ai eu beaucoup de peine à trouver des gens capables de jouer le rôle de clown, car un véritable acteur ne sait pas faire cela. Il exécute froidement des gestes qui doivent être spontanés, vécus. Les clowns sont obligés de crier, de gesticuler. On ne peut pas enseigner cela à un acteur. Pour interpréter le rôle du clown, il faut réellement en être un. Federico Fellini parle des clowns, puis les transforme dans son art cinématographique. Tout à coup, une autre création fait basculer le thème du départ. C'est peut-être pourquoi tous les amoureux du cirque ont rejeté les clowns. Pierre Etex était dans ce film un des personnages mis en scène par Fellini. Il y avait, dans la volonté de Fellini, je crois que s'il a pris ce thème, c'est parce que c'est un thème qui le hante depuis sa jeunesse. Il adore le cirque et il a une fascination pour les clowns. Et il a abordé ce thème-là après avoir fait Satyricon. Parce qu'après avoir fait un film comme Satyricon, il lui semblait vraisemblablement très difficile d'aborder un autre grand thème. Et il a pensé à faire un reportage pour la télévision. C'était un pseudo-reportage puisqu'il le mettait en scène. Et très vite, j'ai senti, dans la manière dont les choses se faisaient, qu'il n'avait pas vraiment un propos solide, qu'il partait sur une idée impressionniste du cirque et des clowns, et que c'était une sorte de tremplin déjà, mais il ne le savait probablement pas encore. Enfin, je ne veux pas préjuger de la volonté de Fellini, mais c'était une sorte de tremplin pour Roma. Car il a trouvé là une voie nouvelle d'expression cinématographique qui est un reportage qui n'en est pas un, c'est-à-dire une certaine démystification du cinéma. Alors je crois que dans le parcours de Fellini, les clowns, c'est une espèce de marchepied. Il y aurait beaucoup à dire sur le film, c'est pourquoi je ne veux pas trop m'attarder sur sa conception même du cirque et des clowns, parce qu'elle est tellement personnelle, elle est tellement relative à tout son univers, que porter un jugement de valeur me semble dérisoire. Il a fait quelque chose de très important dans ce film, c'est précisément d'avoir établi ce marchepied pour arriver à Roma. Et seul compte l'œuvre d'un homme, et on ne s'attardera pas sur chacune de ses étapes. Alors moi, par mes goûts personnels et par mes convictions et par mon amour éperdu pour la comédie clownesque, je l'ai toujours dit, hostile à l'idée que développe Fellini de montrer que la comédie clownesque a toujours été une chose pauvrette, étant le reflet soit de la débilité mentale, soit de l'alcoolisme, en oubliant simplement que c'est le comique le plus pur, que c'est celui des origines, qui est issu de la commedia dell'arte, donc par conséquent italien comme lui, et qui ensuite a donné naissance à tous les grands comiques des années 30, et dire d'un coup, la comédie clownesque, c'est tel ou tel personnage un peu naïf, et même à la limite de la bêtise, qui fait rire par des anomalies physiques ou mentales, c'est un regard que je n'admets pas, qu'il n'admet certainement pas lui-même, mais qui a été pour lui un prétexte à faire un film savoureux. Et c'est au fond ce que je reproche à ce film, ce que je reproche pas à Fellini en définitive, c'est d'être servi de cette arme-là et d'avoir fait un spectacle à partir de choses dont il n'est pas complètement convaincu. Parce que il ne peut nier l'existence de Charlot, il ne peut nier l'existence des Fratellini dont il a vu un document qui semblait le séduire, et d'avoir donné une image contraire à ça parce qu'il avait décidé de le faire à l'origine, parce qu'il avait décidé de montrer les clowns sous l'angle terrifiant qui peut être le reflet de ce qu'il a vécu à un moment de son enfance. ça me semble limiter complètement le propos. Et surtout, cette volonté d'avoir fait un pseudo-reportage sur les derniers survivants en les dégradant et en les trafiquant donne l'idée du mépris qu'on peut avoir pour une expression artistique qui, pour moi, est de première importance. C'est donc un jugement très sévère, mais qui, je crois, est partagé, au fond, par tous les gens du cirque. Oui. Comment est-ce que vous, donc, vous avez ressenti ce tournage, je veux dire, les indications d'un cinéaste par rapport à des scènes précises qu'il vous faisait jouer? En ce qui concerne ce que j'ai tourné, il n'y avait rien qui soit directement relié, justement, à la comédie clownesque pure. C'est-à-dire que lorsqu'il a reconstitué des entrées de clowns et qu'il a essayé de faire revivre des personnalités qu'il était impossible de faire revivre parce que ce ne sont pas des comédiens qui pouvaient interpréter les Fratellini, pas plus que Dario Barrio, pas plus que Antoinette et Baby, etc., etc. Dans l'énumération, on n'en finirait pas. Je trouve qu'il y a là un contresens, enfin, je veux dire, pour moi. Et ce que j'ai tourné n'avait pas de relation avec ce problème des entrées clownesques retransposées. Ce que j'ai tourné, c'est les à côté de tout ça, c'est-à-dire une espèce de personnage qu'il m'a regardé comme une espèce de fou qui est passionné de cirque et particulièrement de comédie clownesque et qui apporte son témoignage vu à travers lui. C'est peut-être au fond ce qui m'a le moins choqué dans le film, c'est la vision qu'il a de moi qui est assez savoureuse, je dois dire. Il fait de moi une espèce de pédant qui a un certain mépris pour l'être humain. S'il m'a vu comme ça, c'est son droit. Je ne reviendrai pas sur son jugement à lui. Et au fond, la période, la séquence la plus drôle dans le film est peut-être celle où, justement, il me fait jouer cette comédie imbécile du monsieur qui veut présenter un film qui a une rare valeur, etc., et qui, pour lui, n'en a aucune, et qui se cogne la tête sur la table de l'appareil de projection et qui présente un film qu'on ne peut pas voir parce que ce film ne contient rien ou qu'il est entièrement détruit. En fait, c'est une malhonnêteté qui me plaît parce que ça redevient du cinéma. Je lui avais montré en fait un magnifique document des Fratellini et il a pensé, pour le contexte même, il a jugé bon de montrer une bande qui ne contenait rien. Pierre Etex, clown et réalisateur. En 1965, il tourne Yo-Yo. Je n'ai pas eu du tout envie de montrer un document sur le cirque. Je pensais que ce qui me semblait intéressant dans Yo-Yo à l'époque, c'était de montrer surtout toute cette chaleur humaine qui règne au sein du cirque. C'est-à-dire la faire sentir non pas à travers des éléments folkloriques sur le cirque, mais surtout sur une espèce d'état d'esprit de ces gens du voyage qui ont le cœur gros comme ça. Et puis en même temps, une certaine forme de limite dans la pensée aussi. Des gens simples, très simples, qui vivent pour une chose et qui vivent essentiellement pour cette chose et qui sont prisonniers de ça. C'est-à-dire que le cirque est rond et comme le cheval qui tourne dans la piste, l'homme de cirque ne peut pas sortir de son milieu. Et ça, je voulais qu'on le sente bien dans Yo-Yo, que quand cet envoûtement s'opère, et d'ailleurs ce n'est pas un envoûtement pour quelqu'un qui vit et qui naît dedans, il est pris à ce piège-là dès sa naissance. Pour moi, c'était très différent puisque je suis un enfant adoptif du cirque et j'ai ressenti tellement des choses profondes en eux, cette espèce de jalousie maladive de garder pour eux des secrets qu'ils transmettent de génération en génération. Les traditions orales sont les choses les plus précieuses. Le côté éphémère de leur art, éphémère bien sûr parce que tous les jours ils sont obligés de recréer une aventure et de travailler quotidiennement de façon la plus laborieuse qui soit. Je voulais que ce phénomène-là soit ressenti dans Yo-Yo, je n'avais pas d'autre ambition. Justement, alors pour faire ressortir tout ça, pour faire ressentir tout ça, vous avez utilisé donc une certaine écriture cinématographique. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler et donner quelques exemples? Non, je peux vous donner des exemples que de séquences, par exemple, où quand Yo-Yo revient, Yo-Yo est fait prisonnier, et quand il revient au cirque, il y a une telle chaleur humaine parmi les artistes qui disent « il est là, il est revenu ». J'avais vécu des choses un peu semblables quand je venais voir mes amis au cirque et qui savaient que j'étais là. Ils lâchaient tout dans les coulisses, enfin autour du cirque, pour venir me retrouver. Il y avait une vraie joie partagée, et ça, je voulais le transmettre. Il y a mille détails dans le film, comme par exemple le fait qu'un homme qui veut s'embourgeoiser, c'est le rêve de tout artiste de cirque, et particulièrement des clowns, de s'embourgeoiser, ne peut pas vivre dans un confort bourgeois. C'est complètement impossible. Et pourtant, c'est son rêve. Mais ça, je crois que dans le film, il y a cette idée-là à travers le château, qui est le château du père et qu'on veut garder, qu'on veut conserver. Aussi, cette grande noblesse dans la tradition, mêlée, c'est-à-dire un artiste de cirque qui d'un seul coup est un artiste de cirque qui est un châtelain, qui est propriétaire d'un château, devient quelqu'un qui sauvegarde la tradition familiale. L'idée de la famille au cirque est très forte. Il y a toutes ces notions-là qui sont dans le film. L'idée aussi de la liberté totale, la vie itinérante. Je crois qu'il y a une séquence dans Yo-Yo qui relève assez bien ça, où bon an, mal an, tous les jours, il faut faire le spectacle, même sans chapiteau, avec le palc, c'est-à-dire le petit cirque en plein air, et où chacun met tant d'ardeur, et où pour 3 rires et pour 2 francs 50, tout le monde est heureux, quoi. Et il y a ça qui devait passer absolument. J'ai horreur, si vous voulez, du folklore, c'est-à-dire tout ce qui est le misérabilisme et la pauvreté du cirque. Je veux dire, qu'est-ce qui est important pour moi, on m'a dit souvent, moi je préfère au grand cirque, je préfère le petit cirque avec la chèvre, etc. Moi, pour moi, il n'y a pas de commune mesure entre l'un et l'autre, et de toute façon, au bout du compte, ce sont deux choses qui se ressemblent considérablement. Que ce soit un grand cirque qui ressemble à un hall de gare dans lequel il n'y a plus d'âme, ou le petit palc où on développe le misérabilisme, c'est rigoureusement la même chose dans la mesure où ce n'est pas le reflet du cirque. Le cirque, c'est quelque chose d'extrêmement brillant qui ne vit que chez CNI, par exemple, dans de grands établissements comme celui-là, où il y a un respect du public et des artistes. Au cinéma, encore une fois, on ne peut pas aborder le cirque sous l'angle folklorique. Je crois qu'il faut l'aborder psychologiquement. Le cirque a pratiquement tout apporté au cinéma comique. C'est-à-dire que si Keaton n'avait pas fait du musical et du cirque, il n'aurait jamais été le grand auteur qu'il a été. Et pour Chaplin, c'est la même chose. Et pour chacun d'eux, c'est pareil. Je veux dire, toute chose qu'ils font à l'intérieur des films est directement issue, est un emprunt à la comédie clownesque. Un jour, je voulais m'amuser à répertorier toutes les idées qui sont issues de la comédie clownesque. Il y en a à foison, qui sont des idées traditionnelles, qui se sont transmises comme ça, qui n'ont jamais été répertoriées, qui n'ont jamais fait l'objet d'une œuvre, mais ça ferait l'objet d'une thèse pour quelqu'un qui s'y attacherait. Moi, j'ai autre chose à faire que de faire une thèse sur la relation entre la comédie clownesque et le cinéma comique, parce que j'ai envie de faire des choses et pas envie d'en parler. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Vous avez cependant peut-être quelques exemples en tête, sans avoir à faire la thèse, là. Oh oui, je n'en finirai pas, mais j'en prendrai un à dessein qui est un des plus grands, c'est Max Linder, qui était le tout premier cinéaste comique. Enfin, oui, le premier comique au cinéma. Je ne parle pas de Méliès, je parle d'un personnage comique apparu au cinéma, c'était Max Linder, et qui, dans son premier film, est allé puiser dans le répertoire clownesque l'entrée du miroir brisé, et qui l'a montré comme jamais on ne pouvait le faire au cirque. Il en a fait une chose complètement cinématographique, puisqu'il brise le miroir à la fin et qu'il ne comprend pas comment son reflet se casse. Et ça, c'est une idée qui est proprement cinématographique, qu'on ne peut jamais faire dans la piste. Et pourtant, tout ce qu'il fait avant, c'est directement issu de l'entrée clownesque, magistralement interprétée, magistralement mise en scène, mais c'est l'héritage direct des clowns. Alors quel peut être, à votre avis, le lien entre le jeu de l'acteur et puis... Je dis le jeu, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais du personnage qui est sur la piste de cirque. Ah, pour moi, il y a quelque chose de complètement étroit. Si je suis venu au cinéma, d'ailleurs, c'est à cause du cirque. Moi, je n'ai jamais eu de vocation de cinéaste, mais j'ai toujours eu une vocation pour le spectacle en direct avec les spectateurs, et particulièrement pour le cirque. Quand on fait quelque chose d'aussi difficile que la comédie clownesque, faire une entrée de clown, c'est toute une préparation laborieuse, c'est des années de travail, c'est tout un acquis aussi à partir de sa prime jeunesse, qu'on a appris la musique, l'acrobatie, la danse et des choses comme ça, qu'on met en pratique à partir d'un certain moment. On récupère le fruit du travail. Personnellement, j'avais très peu de moyens pour me débattre. J'ai dû apprendre tout seul des choses plus ou moins bien. Cela dit, le jour, avec le peu d'armes que j'avais, j'ai pu constituer une entrée de clown. Il y avait là-dedans quelque chose qui n'était qu'à moi, qui m'appartenait, qui appartenait à deux personnes, qui étaient Annie et moi, bien sûr, puisque je lui donnais tout. Et dans cette entrée de clown, il y avait tout l'artisanat, toute la préparation. Je veux dire que, à commencer par le chapeau qu'il faut fabriquer ou qu'il faut peindre d'une certaine couleur, parce que c'est celle-là qu'il faut et pas une autre, les chaussures, le maquillage, le costume, tout ce qui sert à l'intérieur même d'une entrée de clown, c'est une chose qui vous appartient en propre. Et quand j'ai commencé à faire du cinéma, considérant que la piste, à tort ou à raison, n'était pas le lieu le plus facile pour exprimer des idées plus larges. Lorsque un jour j'ai ressenti l'envie de développer un sujet, ce jour-là, peut-être, je me suis fait piéger parce que je me suis dit, c'est le cinéma qui est le mode d'expression qui me convient. Mais j'ai abordé le cinéma avec l'angle du clown, c'est-à-dire que tout m'appartenait encore. C'est pour ça que j'écris le scénario, comme j'écrirai une entrée, que j'en fais la mise en scène et que je l'interprète. Alors pour moi, il n'y a rien de commun avec ce qu'on appelle la comédie. Si je devais faire appel à un comédien pour lui dire ce qu'il a à faire et jouer à ma place, ça ne vivrait plus, de mon point de vue. Ça vivrait peut-être mieux pour les spectateurs, pour moi, ça ne pourrait pas vivre. Ça m'appartient en propre. Et faire un film comique en tant que personnage comique, c'est exactement comme si j'entrais dans la piste, bien que ça n'ait rien à voir sur le plan de l'expression, c'est rigoureusement pareil sur le plan psychologique et sur le plan matériel. Quand je prépare un film, d'où la difficulté de travailler seul, je m'empresse de faire part à Jean-Claude Carrière, qui travaille avec moi depuis le début, et ce n'est pas un hasard, je m'empresse de lui faire part de la chose comme s'il était mon premier spectateur. Et chaque fois qu'il apporte de l'eau à mon moulin, je le regarde comme si j'étais le premier spectateur aussi. C'est le fruit de ce travail et qui, lorsque j'arrive à la table de montage, me permet de décider des choses en tant que spectateur et non pas du tout comme un cinéaste qui pense. Je suis physiquement lié à ça et ça, c'est propre à la comédie clownesque. Je suis le spectateur d'un monsieur qui n'est pas moi. Je regarde et quand ça fonctionne pas, alors s'il y a 2 semaines de travail sur un effet, elle va au panier, la séquence va au panier si c'est nécessaire. Exactement comme lorsque dans la piste, on s'aperçoit qu'un effet n'est pas valable, le lendemain, soit qu'il a son potentiel de comique en lui et on le reprend pour le travailler, soit qu'on a jugé qu'il était définitivement mauvais, après plusieurs essais, le lendemain, on l'abandonne. Et la dramaturgie que vous donnez, donc, elle est, comme vous venez de le dire, je suppose, uniquement issue donc, de ce numéro, de ce travail. Uniquement, parce que je pense que les grandes... Il n'y a pas une dramaturgie qui dérive autrement non. Parce que c'est du cinéma. Non. Si on était prisonnier d'une trame dramatique, par exemple, dans un scénario, elle nous limiterait sur le plan de l'expression comique. On ne pourrait plus faire évoluer le personnage à notre guise. Et la trouvaille comique est plus précieuse que tout. Et si à un moment, on a envie de le faire changer de direction parce qu'on sait qu'au bout, il y a un rire, alors c'est là que se construit une nouvelle trame dramatique qui n'est pas celle qui a été préméditée. Baignant dans des cercles concentriques d'ombre, s'élevait étage sur étage de visages coupés çà et là d'espaces vides, que le rayon du projecteur léchait avec l'avidité d'une langue cherchant une dent absente. Les musiciens, noyés dans la poussière et les fulgurations du magnésium, se cramponnaient à leurs instruments comme hallucinés, torses ondulants tels des roseaux sous un vent frémissant de jeux d'ombre et de lumière. L'homme serpent se nouait et dénouait sur un roulement de tambour en sourdine. Une fanfare de trompette annonçait la voltige. C'était la règle. Auguste, tantôt c'était un grincement mince et aigu de violon, tantôt une moquerie de clarinette qui suivait ses gambades pendant ses clowneries. Mais quand venait le moment d'entrer en transe, les musiciens, soudain inspirés, le pourchassaient de spirale en spirale, de béatitude en béatitude, comme des destriers cloués à la plateforme d'un manège en folie. Le cinéma et le cirque, avec Annie Fratellini, Pierre Etex, Paul Adrian, Nicolas Bataille, Pierre-Robert Lévy, Geneviève de Kermabon. Documents INA, Françoise Roset, François Perrier disant Fellini. Texte, Henry Miller, Le sourire au pied de l'échelle. Propos de Fellini et de Max Ophuls, dit par Jean Péméja, Valérie Janet, Frédéric Aubry. Des livres Cinéma au cirque, cirque au cinéma de Paul Adrian, collection L'Encyclopédie du cirque, édition Adrian. La Strada, Lola Montes, Frix, à l'avant-scène du cinéma. Un festival, le premier festival international du film de cirque, du 1er au 7 février 1986 à Mantes-la-Jolie. Le cinéma et le cirque, une émission proposée par Simone Douek, mixage Claude Massé, réalisation Maurice Audran. Cette émission a été diffusée la première fois le 15 octobre 1985 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.